qui nous habite. Car ce qui n'est pas dit ne peut décevoir. Chose qu'on n'a pas dite, celle qui nous agite et que tacitement chacun devine. Il suffirait de la nommer pour qu'aussitôt elle disparaisse. Ce que je n'ai pas à dire ne sera pas trahir. Ce que tu n'as pas dit ne le sera pas non.